histoire de bédo que je viens te raconter, salaud. C'est juste une histoire de bédo que je viens te raconter, mon salaud. Il paraît que je t'appelle ma couillasse. Il paraît que tu me trouves dégueulasse. Il paraît que t'es pleine de crasse. Il paraît que je vais à la casse. Écoute ce morceau, c'est juste une histoire de bédo. Écoute ce morceau, c'est juste une histoire de bédo. Il paraît que cette fille est belle. Il paraît que je les jette à la poubelle. Il paraît que tu connais Isabelle. Il paraît que tu touches à mes prunelles. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Il paraît que je dors pas. Il paraît que je fume de la ganja. Il paraît que j'ai pas de papa. Il paraît que je t'invite pas sous mon toit. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Il paraît que j'aime pas la police. Il paraît que j'ai plus de cannabis. Il paraît que je crois pas à la justice. Il paraît que j'aime pas les meufs qui écartent les cuisses. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Il paraît que je suis le solitaire. Il paraît que j'aime pas les militaires. Il paraît que j'aime pas ces putains de guerres. Il paraît qu'elle part en couille la terre. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Il paraît que j'aime le peura. Il paraît que j'aime le reggae et le raga. Il paraît que je t'aime pas toi. Il paraît que j'aime que moi. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Il paraît que je suis bien quand ma tête éclate. Il paraît que j'aime les bombes au clat. Il paraît que j'ai une batte. Il paraît que j'aime me faire sucer la bite. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. C'est vrai que j'aime fumer des gros bédos. C'est vrai que j'aime rester tranquille chez moi. Ah, ah, ah. C'est vrai que je t'aime pas toi. Ah. Il paraît que tu veux me balancer. Il paraît que d'un pont je vais te balancer. Tout ça pour une histoire de bédo. Écoute ça, c'est juste une histoire de bédo. Écoute ça, histoire de bédo. Allumez les lights. Histoire de bédo.